peut-être jusqu'au niveau du Parlement, pour que l'exercice de la profession se fasse de manière qui permette aux citoyens burundais d'accéder à la libre information. On ne peut pas ne pas faire confiance, on n'a pas d'autre choix. Denise Mugugu, la présidente de la Maison de la Presse, toujours au micro de Joseph Sabiyabandi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal, un incendie s'est déclaré hier soir dans un bureau des locaux abritant le ministère de la Défense nationale et l'état-major général de l'armée burundaise. Le porte-parole de ce ministère, Gaspard Baratouza, tranquillise qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Selon lui, le feu s'est déclaré précisément aux environs de 21h dans le bureau du chef du service informatique. Il estime que l'origine de l'incendie serait liée aux installations de la régie des eaux. Suivez le colonel Gaspard Baratouza. C'est le bureau du chef informatique qui a pris feu vers 21h. La garde qui était tout près a alerté les sapeurs-pompiers qui sont venus rapidement pour éteindre ce feu afin qu'il ne puisse pas se propager vers d'autres bureaux. Le feu a été maîtrisé très rapidement, à part quelques documents, quelques matériels qui ont été endommagés se trouvant dans ce bureau. Les autres n'ont pas été touchés. Justement, les dégâts, ce sont lesquels? Les dégâts, je peux signaler quelques matériels comme des machines qui donnaient le réseau informatique aux autres bureaux a été endommagé, mais comme l'état-major général, le ministère prévoit chaque fois des matériels de réserve, actuellement, on est basculé à ces appareils de secours pour continuer à fonctionner en attendant le rétablissement de ce qui a été endommagé. Et dans l'entretemps, est-ce que vous êtes au courant de l'origine de l'incendie, probablement des êtres humains ou des installations de la régie des eaux? C'était 21h, alors le bureau était déjà clos à partir de 15h30. Entre 7h et l'heure où l'incident s'est produit, ça se comprend que l'erreur humaine ou l'origine humaine serait très minime probabilité, d'où probabilité d'un court-circuit de la régie des eaux risque de prendre une place importante dans cet incident-là. C'était le colonel Gaspard Baratouza, c'est le porte-parole de la Force de Défense Nationale au micro de Léonce Huitariho. L'Université Paix et Réconciliation n'a pas encore délivré de diplôme depuis sa création. Au moment où les lauréats demandent d'être rétablis dans leurs droits, le recteur de cette université dit que cela concerne le représentant légal. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'on indique que le ministère n'est pas au courant de ce problème. Les détails avec Alain Désiré Boukayenez. L'Université Paix et Réconciliation a commencé à dispenser les cours depuis l'année académique 2008-2009. Les lauréats de cette université se plaignent que rien ne prouve qu'ils ont terminé leurs études, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore eu accès au diplôme qui constituerait une preuve. Et cela concerne tous les lauréats qui ont évolué à cette université. Ces lauréats disent avoir soulevé cette question tant de fois, tantôt au recteur, tantôt au représentant légal, mais qu'aucune issue favorable n'a eu lieu. Le dernier rendez-vous du 1er octobre cette année par lequel il devrait avoir accès à ses diplômes n'a pas été respecté puisque le promettant, le représentant légal, est à l'étranger. Le recteur de l'Université Paix et Réconciliation dit que cette question ne le concerne pas. Docteur Cyprien Sinzo Bahamvia fait savoir que ce qui concerne la non-délivrance des diplômes à cette institution est à demander au représentant légal. La non-délivrance des diplômes à cette université est inconnue au niveau du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'on indique qu'étant donné que cette université a été agréée, cela suppose que les diplômes sont délivrés. Sinon, la réaction à ce niveau interviendrait au cas où la question serait soulevée par les concernés. Le représentant légal de l'Université Paix et Réconciliation, Mohamed Lokara, n'a pas encore réagi à ce sujet. Alain Désiré Boukayenez. 114 lauréats n'ayant pas réussi au concours national pour continuer à l'école post-fondamentale ont passé un test ce mardi au Centre de formation et de perfectionnement professionnel CFPP de Nyakabiga. Le directeur adjoint chargé du programme pédagogique indique que cela n'est pas contradictoire à la décision du ministère de l'Éducation qui dit que seuls les élèves qui ont réussi au concours vont continuer dans les centres de formation professionnelle. Daïssa Warenild a en outre ajouté que le CFPP est doté d'un statut particulier. Suivez-la.